sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Mazilna fi bab min ash-shirki lubsu al-halqati wal-khayti wa nahwihima li raf'i al-bala' aw daf'i. Nous sommes toujours dans le chapitre fait partie du polythéisme, le fait de porter un anneau, un fil ou autre chose pour enlever un mal ou le repousser. Nous avions cité hier la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Qul afaraytum ma tad'una min dunillah in aradani bidurri in aradani Allah bidurri hal hunna kashifat durri. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal? Donc l'auteur a cité ce verset dans son livre Kitab At-Tawhid, car ce verset vise à rendre caduque le fait de s'attacher à tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela le fait de s'attacher ou d'attacher son cœur à des fils, des anneaux ou des choses semblables. Si ces fausses divinités vers lesquelles se dirigeaient Kuffar Quraysh, comme les gens pieux par exemple, ne méritent pas le droit à l'adoration et n'ont pas la capacité de ramener un bien ou de repousser un mal, à plus forte raison un fil, un anneau ou une chose semblable. Puis l'auteur nous dit: عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر أي من نحاس فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. On a aussi cité le hadith de Imran radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu portant à son poignet un anneau de cuivre. Il lui a demandé: qu'est-ce que cela? Il a répondu: c'est contre l'wahina, donc une maladie qui touche la personne et qui cause une certaine faiblesse et des douleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: arrache-la, elle ne saurait qu'augmenter ta faiblesse, car si tu meurs, et si tu meurs en portant cet anneau, tu ne connaîtras jamais la réussite. Donc celui qui porte un fil ou un anneau ou une chose semblable en tant que cause pour qu'Allah Azza wa Jal repousse de lui un mal afin qu'il ne soit pas touché, ou enlève de lui un mal après avoir été touché, alors qu'Allah Azza wa Jal ne nous a pas enseigné cela dans le Coran, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah, ni cela a été démontré avec des expériences, donc ça n'a pas été prouvé, à ce moment-là, ça sera du shirk asghar. Et dans le cas où la personne porte ce genre de choses en pensant que cette chose-là peut, en dehors de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, ramener un bien ou repousser un mal, dans ce cas-là, c'est du shirk akbar wal-iyadu billah. Puis l'auteur a cité un second hadith. Walahu, ay Ahmad, rahimahullahu ta'ala, an Uqbat ibn Amir, radiallahu anhu marfu'an. مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم مرفوعا بمعنى أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا سمعتم موقوفا بمعنى أنه قول الصحابي: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. L'imam Ahmed rapporte aussi que Uqba ibn Amir radiallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accroche une tamima, une amulette, qu'Allah ne complète pas ce qu'il souhaite. Et celui qui accroche une wada'a, un coquillage, qu'Allah ne laisse pas dans la tranquillité. Dans une autre version du hadith, il est dit, celui qui s'accroche à une tamima, une amulette, a commis un acte de polythéisme. Ici, vous avez dans la traduction, il a mécru, vous corrigez. Faqad ashrak. Il a commis un acte de polythéisme. Et non pas, il a mécru. Pour la traduction. إذن وله أي عند أحمد في المسند رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا عقبة بن عامر الجهني كان فقيها فاضلا ولي الإمارة في مصر في زمن معاوية رضي الله عنه 3 سنين كلام المؤلف يوهم أن الكلمتين هما حديث واحد ولا وللحديث روايتان لكن هما حديثان مستقلان كما نبه على ذلك حفيد الشيخ يعني سليمان صاحب التيسير رحمه الله تعالى. Donc ici, en apparence, il y a un hadith ayant 2 versions. Mais en réalité, ce sont 2 hadiths distincts l'un de l'autre. من تعلق تميمة تعلق أي بقلبه أي بقلبه لجلب خير أو دفع ضر وسواء علق عليه يعني على نفسه أو علقها على غيره وسواء علقها في صدره أو يده أو غيرهما أو غيرهما. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui s'accroche une tamima, celui qui s'accroche, qui l'accroche à sa, yani sur lui-même ou autrui, et qui l'attache au cou, autour du cou, autour du poignet, autour de la taille, quel que soit l'endroit, il n'y a pas de différence dans le jugement. À partir du moment où il met cela pour que ça lui apporte un bien ou que ça repousse de lui un mal, cela sera appelé tamima. Ma ma'ana التميمة كل ما علق بقصد رفع البلاء أي قبل نزوله أو دفعه أي بعد نزوله وكانت العرب تعلقها على الأولاد لدفع العين وما أشبه ذلك من الحسد والضرر والحكم عام ما دام المرء استعملها في جلب النفع أو دفع ضر وأنواعها كثيرة جدا. Donc une tamima, c'est tout ce que l'on s'attache ou s'accroche afin que cela nous apporte un bien ou repousse de nous un mal. Yani, quelle est la cause pour laquelle la personne fait cela? Pourquoi elle s'attache à cette chose-là qu'on appelle une tamima? C'est afin que ce soit la cause de l'obtention d'un bien ou pour repousser un mal. Que ce soit avant que ce mal nous touche ou après avoir été touché par ce mal. L'appellation générale est at-tamima. At-tamima. Et les Arabes avait l'habitude de porter ses amulettes et de les mettre particulièrement sur leurs enfants. De les mettre particulièrement sur leurs enfants afin de les préserver du mauvais œil. Et de les préserver du mal de façon générale, comme la jalousie, l'envie et les nuisances de manière générale. Donc toute personne qui porte une amulette afin que ça lui apporte un bien ou que ça repousse de lui un mal, aura commis un acte de polythéisme. Et si tu te demandes à quoi cela ressemble, et si tu te demandes, est-ce que l'amulette, c'est une chose particulière, ou bien est-ce qu'il y a beaucoup de sortes, sache qu'il y a beaucoup de sortes. Et cela diffère d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Par exemple, où je vais vous laisser citer des exemples. La majorité d'entre vous venez des pays du Maghreb. Est-ce qu'il y a des tama'im au Maghreb? Non. Naam. Est-ce que vous pouvez me dire un exemple de ce qu'il y a? La main de Fatma. La main de Fatma, c'est une amulette, c'est une tamima. Celui qui met cela pense que ça porte bonheur. C'est du shirk billah il-azim. Et j'ai pu voir de mes propres yeux, malheureusement, chez des personnes, des mains de Fatma, accrochées carrément sur les murs. Et c'est presque impossible, non pas de l'enlever du mur, mais du cœur de la personne, subhanallah, de par la mauvaise croyance dans laquelle ils ont grandi depuis tout petit. C'est comme si en enlevant cette main de Fatma du mur, tu allais lui arracher une partie du cœur, ou couper sa subsistance, ou couper la miséricorde qui descend d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas cela. Et qu'en enlevant cette tamima, Allah tabaraka wa ta'ala t'ouvrira encore plus les portes de sa miséricorde et le bien de manière générale. Est-ce que vous avez d'autres exemples? L'œil, cette espèce de bijou qui n'en est pas un, que les gens portent comme un collier, comme un bijou. Et il y a un œil. Et ils prétendent que cela repousse justement le mauvais œil. Ceci est une tamima et fait partie du shirk. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Comment? C'est-à-dire, yani aqsud des anwa' plus précis. Le fer à cheval. Hein? Ça, c'est en France. En France, ils mettent cela sur les portes de leur maison. Vous avez d'autres exemples? Le chapelet. Certains utilisent le chapelet, ce que vous voyez ici, là, hein, en tant que tamim. Certains utilisent cela et le suspendent, par exemple, dans leur voiture, ou l'accrochent, par exemple, au poignet, ou bien dans leur maison, et pensent qu'avec cela, ça va repousser un mal ou apporter un bien. Et pensez-moi, faites-moi penser à détailler cette question du chapelet de peur qu'il y ait de mauvaises compréhensions. À la kulli hal, il y a de nombreuses sortes. Englobe tout cela une appellation commune qui est At-tamima. Al-tamima. En Afrique, quelle est la tamima qui est portée par beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes? J'ai posé la question à un Africain. Pas du continent, à un Africain. يعني فهمتم تفضل le collier qu'ils mettent autour de la taille des enfants, plus répandu que cela encore, hein, le collier qu'ils mettent autour de la taille des enfants, cela est connu. Mais il y a une chose encore plus répandue que cela. Hein? Et tu n'as qu'à sortir. Et je ne vais pas dire le nom de l'endroit où nous vivons. Et regardez le poignet des enfants et tu verras. Wallah al-musta'an. Mais inshallah, avec ces cours, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce fléau diminuera. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, comment? J'avais pas pensé à cela, mais il y a également certaines bagues. D'accord? Il y a également certaines bagues que les gens utilisent en tant que tamima. Mais j'entendais par cela un bracelet en fer. Il ne faut pas qu'il soit de telle matière ou telle matière. Non, en fer. Et si tu lui demandes pourquoi, il te dit car c'est bon sur la peau. Il te dit car c'est bon sur la peau. Pourquoi pas telle autre matière? Non, il a dit que ça doit être de telle matière. Qui? Le marabout. Hein? Le marabout. Et on ne rigole pas de cette bêtise, c'est du shirk, c'est akbarul kaba'ir. C'est le pire des péchés. C'est le plus grand des péchés. Ashirku billah. Et subhanallah, lorsque l'enfant apprend sa religion et qu'il retire son bracelet lorsqu'il rentre, la première question qu'on lui pose, où est ton bracelet? L'enfant qui ne connaît pas grand chose de la vie, qui est faible, n'a plus confiance en ce bracelet. Et ses parents, qui sont âgés, ont abandonné leur affaire dans ce bracelet en fer. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous devons nous instruire dans notre religion et nous délier de ces chaînes du shaytan et rattacher nos cœurs à Rahman subhanahu wa ta'ala. Et celui qui s'abandonne à Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ne l'abandonnera jamais. Et celui qui s'en remet à ces choses-là, alors quel mauvais troc il a fait. Quoi qu'il en soit, nous devons mettre en garde contre cette chose-là. Toute personne qui porte une chose semblable sur lui doit l'enlever immédiatement. Ensuite, lorsqu'il rentre chez lui, il doit transmettre cela. Il doit transmettre les paroles d'Allah. Il doit transmettre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de combattre le polythéisme et de faire en sorte que le tawhid se propage dans chacun dans chacune de nos maisons. وَسُمِّيَتْ بِالتَّمِيمَةِ لِأَنَّ الْمُسْتَعْمِلِ يَزْعُمُ أَنَّهُ بِهَا يَتِمُّ أَمْرُهُ. Pourquoi est-ce qu'on a appelé les amulettes tamima? Car la personne prétend que par cela Allah lui permettra d'atteindre son but et de parfaire son affaire. D'atteindre son but et de parfaire son affaire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allah lahu. Celui qui s'accroche une tamima, une amulette, qu'Allah ne complète pas ce qu'il souhaite. Ni qu'Allah ne lui permette pas d'atteindre son but. هذه الجملة خبرية بمعنى الدعاء. Ici, ça a le sens de l'invocation. Ou soit, c'est une information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne, soit c'est une dua. En réalité, contre la personne qui fait du shirk. Pourquoi? Pour la mettre en garde contre le shirk. Pour que la personne ait peur de rester dans ce shirk, qu'elle se repente et délaisse le shirk. Et ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah de donner à ces gens le contraire de ce qu'ils recherchaient. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis At-Tamima? On a compris pourquoi est-ce que ça a été appelé At-Tamima. Pour pouvoir atteindre son but. La personne met cela. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Allah de les rétribuer par le contraire de ce qu'ils recherchent. Qu'ils n'obtiennent pas leur but. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ هذا الفعل، ومن استعمل التمائم ضعف توكله على الله تبارك وتعالى. Celui qui se dirige vers les amulettes sera la personne la plus faible. Sera la personne la plus faible. Et sa confiance qu'il aura en Allah sera faible du fait qu'il a placé ou bien du fait qu'il s'est tourné quelque peu vers des créatures. Et subhanallah, comment est-ce que la personne peut laisser Allah tabaraka wa ta'ala et se diriger vers des bouts de fer, vers des parties d'animaux et autres. وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً الْوَدْعَةً c'est le coquillage. Certains savants ont dit كَنَّا سُمِّيَتْ بِالْوَدْعَةً لَنَّ الْبَحْرَ يَتْرُحُهَا عَلَى السَّاحِلِ وَيَدَعُهَا وَفِي الْجَاهِلِيَّةِ كانوا يستعملون ذلك وكما ذكرنا في التمائم يعني الغالب يعلقونها على الأولاد et dans la jahiliya ils utilisaient beaucoup cela et accrochaient des coquillages sur leurs enfants afin de les préserver du mauvais œil et d'autres mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Fala wada'a Allahu lah » Donc celui qui s'accroche un coquillage, qu'Allah ne le laisse pas dans la tranquillité. « Fala wada'a Allahu lah » Et il da'a un nabi sallallahu alayhi wa sallam « Bi annahu la yajid rahatan wa la sukun » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à nouveau a invoqué Allah azza wa jal de donner à cette personne le contraire de ce qu'elle recherche. Lorsque les gens portent cela, c'est pourquoi? Pour avoir la tranquillité et pour se protéger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah qu'il n'obtienne pas la tranquillité ni la sérénité. Et cela nous montre que c'est une chose interdite. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque contre ceux qui portent des talismans. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas leur accorder ce qu'ils ont recherché dans sa désobéissance. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah de ne pas les laisser dans la tranquillité, cela veut dire qu'ils seront dans les soucis, dans les problèmes et dans la tristesse. Puis l'auteur nous dit « Wa fi riwaya » وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ حَدِيثٌ مُسْتَقِيلٌ Donc l'auteur nous dit, dans une autre version du hadith, donc vous avez su que c'est un autre hadith en réalité, مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ Celui qui porte une amulette a commis un acte de polythéisme. أخرجه أحمد والحاكم وهو حديث حسن. Donc c'est un hadith qui a rapporté l'imam Ahmed, al-Hakim, et c'est un hadith qui a été jugé bon par les savants du hadith. وهذا الحديث له قصة. Ce hadith a une histoire. جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع تسعة منهم وترك الآخر أمسك عن واحد فقيل له في ذلك فقال تعلق تميمة فنزعها الرجل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من تعلق تميمة فقد أشرك. Ce hadith a donc une histoire. C'est qu'un groupe de personnes, groupe de 10 personnes, s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance. Il a accepté cela de 9 d'entre eux. Puis il s'est abstenu quant au dernier. Alors, les gens se sont étonnés, lui ont dit, pourquoi au messager d'Allah ? Sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, car il porte une amulette. Subhanallah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alladhi bu'itha rahmatan lil alamin, amsaka yada. Wa la yaf'alu dhalika an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, illa li amrin azim, khatir, jiddan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, s'est abstenu d'accepter cela de la dernière personne. Alors qu'il a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, c'est que c'est une chose très grave. إذن فبايعه تسعة منهم ثم بعد ذلك الآخر نزع تميمته وقابل حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك. Donc au final cet homme a arraché son amulette, puis le prophète صلى الله عليه وسلم a accepté son allégeance. Si cela se dit ainsi. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela, c'est que c'est une chose grave. Ne pensez pas que de s'attacher une amulette, c'est une chose banale, car les gens l'ont banalisé. Non. Nous, on juge selon les textes. Pour dire que tel péché est plus ou moins grave, on juge selon les textes. Et tous les péchés sont graves. Car celui à qui tu désobéis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a les grands péchés, il y a les petits péchés, comme on a tiré des textes religieux. Ben, sachez que de porter une amulette fait partie des plus grands péchés. Et on remarque que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man ta'allaqa ». Il n'a pas dit « allaqa », mais il a ajouté une lettre. من تعلق ولم يقل علق وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى إذن فيه تعليق ظاهر وتعليق باطن. Ce mot qu'a utilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique que la personne qui commet cette forme de polythéisme s'est attaché à cette chose de deux manières. De manière apparente, il s'est attaché une chose, il s'est accroché une chose, mais aussi de manière intérieure, il a rattaché son cœur à cette chose. فنستفيد من هذا الحديث أن التميمة من أنواع الشرك. Le pluriel de تميمة, c'est تمائم. مناسبة الحديثين للباب فيهما تحريم التعلق بغير الله وتعليق التمائم وأنها من الشرك بالله العظيم لما يقوم بقلب المتعلق لها من الاعتماد على غير الله. On tire de ces deux hadiths, ou plutôt l'auteur a cité ces deux hadiths sous ce chapitre, car ces deux hadiths nous montrent l'interdiction d'utiliser des amulettes. Et que cela fait partie du polythéisme. Car la personne dirige son cœur vers un autre qu'Allah Azza wa Jal et rattache son cœur à un autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amma ma nastafidu min al-hadithayn ta'aliq al-tama'im wal-wad'a min al-shirk. On tire de ces deux hadiths que le fait de s'attacher une amulette ou un coquillage ou autre fait partie du polythéisme. من اعتمد على غير الله سبحانه وتعالى عامله الله سبحانه وتعالى بنقيض قصده. On tire de ces hadiths que celui qui s'en remet à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah le rétribuera par le contraire de ce à quoi il aspirait. On lui donnera le contraire du bien qu'il recherchait. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل رابورت حذيفة رضي الله عنه, حذيفة هو حذيفة بن اليمان حليف الأنصار من السابقين الأولين, حذيفة في partie des premiers convertis à l'islam رضي الله عنه. Il est mort en l'an 36 après la Hijra. حذيفة a vu un homme porter au poignet un fil contre la fièvre. فقطعه. حذيفة لي أرشي فيه المبادرة إلى إنكار المنكر وتغييره بما يقدر عليه الرجل بيده, فإن لم يستطيع فبلسانه, فإن لم يستطيع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك غيرة السلف على محارم الله سبحانه وتعالى. Donc ici tu vois la réaction de Hudhayfa, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois le reflet de l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ses compagnons. Il a vu une amulette sur une personne, il l'a arrachée immédiatement. Il s'est empressé de changer ce mal qui est très grave, car ça rentre dans le shirk, dans le polythéisme. Et tu vois que les pieux prédécesseurs considéraient le polythéisme comme la chose la plus grave. Donc cette personne avait un fil contre la fièvre. Ay allaqa alayhi hadha al-khayt. C'est-à-dire qu'il s'était attaché au poignet ce fil. Min al-humma. On a déjà parlé sur al-humma, est-ce que c'est la fièvre ou bien la piqûre d'insecte? Certains savants disent encore d'autres paroles. Donc cet homme a mis ce bracelet autour, ou ce fil autour de son poignet, pour se préserver de la fièvre. Ou il a été touché de la fièvre, et il a mis cela pour alléger sa souffrance et l'enlever. Donc on voit ici que c'est une tamima, car il a porté cela pour repousser de lui un mal ou l'enlever. Certaines personnes, lorsqu'elles ont connaissance d'un péché, parmi les turpitudes, ou le vol, ou le mensonge, se mettent grandement en colère, car les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala ont été outrepassées. وَيُشْكَرُونَ عَلَى ذَلِكَ. Et c'est une excellente réaction. Néanmoins, ces mêmes personnes, ou certaines d'entre elles, lorsqu'elles témoignent d'un acte de polythéisme, elles ne réagissent pas de la même façon. Ou elles ne réagissent pas d'une manière plus intense, ce qui devrait être le cas. Donc lorsqu'il voit par exemple un talisman, une tamima, il dit que c'est une mauvaise chose. Et lorsqu'il entend que telle personne a commis wal'iyadhu billah az-zina ou bien riba, la fornication, ou bien contracté des intérêts à l'usure, ou a volé ou autre, alors elle se met grandement en colère et se met à parler sans s'arrêter. Le shirk mérite plus de nous cette réaction que les péchés qui sont en dessous du shirk. Donc il faut savoir faire la part des choses et savoir ce qui est grave et ce qui l'est plus encore. إذن جنس الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر من جنس الكبائر. Donc retenez que le domaine du polythéisme est plus grave que le domaine des grands péchés. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, ou bien un autre parmi les compagnons, disait: La an ahlifa billahi kadiban ahwanu alayhi min al halifi bi ghayri Allahi sadiqan. Il disait, donc Abdullah ibn Mas'ud, si mes souvenirs sont bons, ou un autre parmi les compagnons, radiallahu anhum ajma'in, disait que je jure, ou bien de jurer par Allah en mentant, sachant qu'on n'a pas connu le mensonge chez les compagnons. Ils ne sont pas infaillibles. Ils peuvent tomber dans les péchés, ils sont sujets à l'erreur. Mais on n'a pas connu le mensonge des compagnons, radiallahu anhum. Donc il dit que je de mentir en jurant par Allah est moins grave pour moi que de dire la vérité en jurant par un autre qu'Allah. Pourquoi? Car ils ont compris la gravité du polythéisme. Ils ont compris que le shirk, le polythéisme, était le pire des péchés, car c'était un manque de respect envers le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous revenons à Athar de Hudhayfa. Et après le lui avoir arraché, il a resté la parole d'Allah, donc la traduction. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أي وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ أي هؤلاء المشركون بالله أي في ربوبيته بأنه الخالق وحده لا شريك له إلا وهم مشركون أي في ألوهيته أي في ألوهيته. Donc, l'explication de ce verset est de dire que la plupart d'entre eux, c'est-à-dire les polythéistes, n'ont foi en Allah, c'est-à-dire reconnaissent qu'il est unique dans ses actions envers ses créatures. Ibn Abbas dit, quand tu leur demandes qui est le créateur, ils répondent c'est Allah. Qu'en lui donnant des associés, c'est-à-dire dans le culte, dans l'adoration. Donc ils reconnaissent qu'Allah est le seul créateur, le seul propriétaire, le seul pourvoyeur, le seul gérant. Mais au moment de l'adoration, ils adorent Allah Azza wa Jal et ils adorent autre que lui. C'est du shirk akbar. L'auteur a cité ce athar alors que nous sommes dans le shirk asghar, fil asl. Et on voit que Hudhayfa radiallahu anhu a utilisé ce verset qui concerne les polythéistes pour réprimander le polythéisme mineur. Il a utilisé un verset qui concerne le polythéisme majeur. فَيُسْتَدَلُّ بِهَا إِنِ الْآيَاتِ الَّتِي جَاءَتْ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ نَسْتَعْمِلُهَا فِي الرَّدِّ في رد الشرك الأصغر أيضا وفي ذلك أن من علق عليه تميمة لدفع شر فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى ويجب علينا أن ننكر عليه ويجب علينا إزالة المنكر بالقدرة. Donc on voit ici que Hudhayfa lui a arraché ce fil. Donc celui qui a la capacité d'enlever un shirk doit le faire. Lorsque tu fais cela, ça ne doit pas amener un mal plus conséquent. Si tu as autorité sur cette personne, alors tu l'enlèves avec ta main directement. Mais dans le cas où en enlevant à cette personne directement cette forme de shirk, ça peut emmener un mal plus grand, tu t'abstiendras de faire cela avec ta main. Mais tu lui expliqueras avec sagesse et avec science, et Inch'Allah, le but recherché se réalisera, il l'enlèvera de lui-même. Alhamdulillah, très souvent, en expliquant aux gens avec sagesse, avec science, en leur montrant quelle bêtise c'est de s'accrocher du fer, du fil ou autre en tant que porte-bonheur, les gens comprennent alhamdoulilah et enlèvent. يعني enlève leurs amulettes. في هذه الآية واستدلال حذيفة بها دليل على أن الإيمان والشرك الأصغر قد يجتمعان أو يجتمعان أو قد يجتمعان. نعم. Donc de ce hadith ou de ce athar et la manière dont Hudhayfa radiallahu anhu a utilisé ce verset, on tire que le polythéisme mineur peut s'unir avec la foi. C'est-à-dire que la personne peut être musulmane, tombe dans le polythéisme mineur et elle reste musulmane. Donc il y a une réfutation al-Khawarij qui disent que la personne sort de l'islam en commettant un grand péché. Ici, la personne porte une amulette, c'est donc du shirk. Mais Amada, elle est restée croyante. Est-ce que c'est la foi parfaite? Celui qui commet du shirk asrar, est-ce qu'il a la foi parfaite? Ou bien est-ce qu'il a des manquements? Il a des manquements. Mais est-ce qu'il a perdu la totalité de la foi, ainsi que son minimum? Non plus. Non plus. Donc il y a une réfutation contre Al-Khawarij, ce qui rend mécréant les gens par l'ensemble des grands péchés. On tire également de cela Sihatul Istidlal Bima Nazala fi Shirkil Akbar ala Shirkil Asghar li Shumulihi lah, kama fa'ala Sahaba. On tire de cela la permission d'utiliser des versets qui ont été révélés sur le polythéisme majeur pour réfuter les formes de polythéisme mineur. Car une partie rentre dedans. C'est-à-dire que lorsque tu démontres que personne en dehors d'Allah Azza wa Jal ne mérite l'adoration et donc tu ne dois t'attacher à personne d'autre qu'Allah Azza wa Jal, cette chose-là est présente dans ceux qui font du shirk asrar. On voit la jalousie des compagnons devant les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'aimait pas qu'Allah soit désobé. Il n'aimait pas que les droits d'Allah azza wa jal ne soient pas respectés. Et cela provient de la force de la foi de la personne et de la connaissance de son Seigneur. Plus tu connais Allah tabaraka wa ta'ala, plus tu connais de sa perfection, de sa grandeur, de sa puissance, plus ton cœur se rattache à lui, et moins tu supportes que les gens s'attachent à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Ce athar a été cité par Ibn Abi Shaybah, bi isnadin sahih, an Sa'id ibn al-Musayyib. Ou plutôt un autre athar de Sa'id ibn al-Musayyib. Annahu kana yatuf bil bayt. Un autre athar qui vient dans le même sens. Sa'id ibn al-Musayyib, c'est un des grands savants chez les tabi'oun, faisait tawaf. Il a donc vu un homme avec une tamima, avec un talisman. Fabadara biqat'iha. Il est en tawaf. Il a vu cela, il s'est précipité vers lui et l'a arraché. Rahimahullahu ta'ala. Et bien sûr, comme nous avons cité auparavant, hadha mahmoul ala ilmihi bi'adami iqa'i fitnatin akbar. Donc il a fait ça car probablement il a su que cela n'allait pas amener un mal plus grand. Par exemple, tu ne vas pas venir voir un père de famille et lui arracher son amulette. D'accord? Cela pourrait être la cause que par orgueil, il garde son amulette, même après avoir compris l'explication. Mais il faudra plutôt lui parler en lui citant des versets, en lui citant des hadiths, puis en lui démontrant que cela n'est pas utile, mais au contraire, ça ramène du mal. Et tu lui expliques avec sagesse. Et tu lui expliques avec sagesse. Quant à ceux Parmi les jeunes ou les enfants à qui leurs parents donnaient des choses, à ce moment-là, ils ont l'obligation de les enlever. Même si cela cause la colère des parents. Ils agissent avec sagesse, ils expliquent, mais ils n'ont pas le droit de remettre cela et de dire quand je suis chez moi, je mets l'amulette et avant de sortir, je l'enlève. Non. Car ceci fait partie de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu n'as pas le droit d'obéir à une créature d'Allah azza wa jal si cela engendre une désobéissance ou comprend une désobéissance au créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains parmi les savants ont dit لو اهتم الناس وطلبة العلم بهذا الجانب لكثر الخير ولقل الشر. Certains savants ont dit si les gens يعني كلما رأوا هذا المنكر أنكروه, si les gens à chaque fois qu'ils voyaient des talismans et ce genre de choses réprimandaient les ignorants ou ceux qui commettent cette forme de politisme, alors le mal aurait nettement diminué et le bien se serait grandement propagé. Et tu ne dois pas te dire, comme se disent certains, mais il ne prendra pas de moi, il n'acceptera pas de moi. Tu ne dois pas dire, mais si je lui dis ça, il va penser que, il va dire de moi que. Non. Recherche l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Wallahi, que si tu es la cause d'avoir enlevé un talisman à quelqu'un et que tu as arraché ce talisman dans son cœur et sur son corps, tu lui as fait mieux que si tu lui avais donné ce bas monde et tout ce qu'il contient. Car tu l'as éloigné du feu de l'enfer par la permission d'Allah Azza wa Jalla. La plus grande cause de l'entrée en enfer, c'est quoi? الشرك بالله. Donc si toi tu l'éloignes du shirk, wallahi, tu lui as fait un bien que personne autre que toi a pu lui faire, sauf celui qui a fait semblable ou plus, en lui apprenant le tawhid, en l'éloignant du shirk par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nous avons fini ce chapitre. Et la semaine prochaine, insha'Allah ta'ala, on entrera dans le chapitre numéro 7 sur Ar-Ruqya wa Tama'im. Sur Ar-Ruqya wa Tama'im. Et on comprendra pourquoi est-ce que l'auteur a mis ce chapitre à côté ou bien après avoir cité le chapitre concernant Mada, tout ce qu'on s'attache comme fil et comme anneau. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بيتتم الصالحات.